Bonsoir. On peut commencer. Ça va mon frère? C'est bien. Que Dieu te bénisse. Où sont les cantiques maintenant? Prions, prions. Comme ça nous travaillons tôt et nous on finit également tôt, n'est-ce pas? C'est l'éternel. Voilà. Père, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces. Merci encore pour cette autre journée que tu nous as accordée. Merci pour tes multiples faveurs dans nos vies, pour ta magnificence, pour ta direction dans nos vies. Merci pour le nettoyage que tu fais en nous. Merci pour la conduite, ô Dieu de gloire, dans nos vies. Merci, Père de gloire, pour ton empreinte dans nos vies. Merci pour ta crainte que tu installes sur notre cœur. Dieu de gloire, nous nous remettons entre tes mains toute notre faculté, tout ce que nous avons en nous, Père de gloire. Seigneur, nous te laisse soumettons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Veuillez donc vous saluer les unes, les autres, les uns, les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ça va, mon cher. Que Dieu vous bénisse. Ça va, mon cher. Ça va, ma chère soeur. Que Dieu te bénisse. Ça va mon... Lui Daniel, ça va? Très bien. Ok. Comment? Bonsoir ma chérie, ça va? Ça va la soeur précise? Maman a accouché. Tu vas me donner le bébé, je vais rentrer avec le bébé là-bas. Comment ça? Et il y a son biberon qu'on est venu avec. Oui, non, je pars avec le biberon. Je rentre avec le bébé et le biberon. D'accord. Tu ne fais pas cadeau du bébé. Tu aimes le bébé là. Mais donne-moi le bébé alors. Tu m'aimes aussi, non? Donne-moi le bébé alors. Tu refuses alors. Donc tu ne m'aimes pas. Tu m'aimes. Tu me donnes votre bébé, non? Papa et maman vont encore accoucher l'autre, non? Non. Dieu bénisse. Alors. J'ai pris une question ici. Commençons par là. Ouvrez la Bible. Ah, c'est une question intéressante qu'on va examiner. Ici, cette personne s'écrit « Salut, bien-aimé ». En Matthieu chapitre 19, versets 3 à 9. En Matthieu chapitre 19, versets 3 à 9. Et en Malachie chapitre 2, verset 16. La parole de l'Éternel notre Dieu interdit le divorce. C'est vrai. Il y a un point. Il lit avec la ponctuation. C'est vrai. Et la personne dit salut bien-aimé. En Matthieu chapitre 19, verset 3 à 9 et en Malachie chapitre 2 verset 16, la parole de l'Éternel notre Dieu interdit le divorce. Point. C'est vrai. Point. Maintenant voici un cas de figure que la personne présente. Qu'adviendra-t-il alors à un couple où la femme est sorcière et son mari bon enfant de Dieu? Vous voyez que la question est bonne d'être examinée, n'est-ce pas? Voilà. Ou serviteur de Dieu, même après sa délivrance, elle continue à être au service du malin et ne permet pas et ne met pas en pratique 1 Jean chapitre 5 verset 18 qui dit: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous. Ouvrons donc les deux passages que la personne a cités. Matthieu chapitre 19, verset 3 à 9. Je peux avoir une Bible, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Si quelqu'un a une Bible qui est... Bon, enfin, de toute façon, ouvrez. Matthieu chapitre 12, chapitre 19, verset 3 à 9. On peut... Allons-y rapidement et on voit... Dans ce Matthieu chapitre 19, le Seigneur Jésus va être confronté aux questions. Merci, merci. aux questions des pharisiens. Donc notez Matthieu chapitre 19, verset 3 à 9. J'espère que vous avez suivi la question, n'est-ce pas? Ne copiez pas seulement les réponses. Mais ne notez pas seulement les réponses. La personne dit que d'après Matthieu chapitre 19, le Seigneur, la parole du Seigneur et la maladie chapitre 2, verset 16, verset 18, la Bible interdit clairement le divorce. Ça c'est bien et c'est vrai. Quand vient-il donc maintenant pour un couple dont la femme est sorcière et l'homme bon enfant de Dieu, ou bien serviteur de Dieu, et qui après même la délivrance, cette personne continue toujours à ne pas respecter 1 Jean chapitre 5 verset 18 qui dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà la question. Donc la question c'est, en toile de fond se trouve, c'est pour le cas là, y a-t-il pas de divorce puisque la personne continue à vivre dans le péché, n'est-ce pas? Là, je vous pose une question avant qu'on le lise ce qui est écrit ici. De toute façon, disons. Matthieu chapitre 19. Verset 3. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver. Est-il permis, je vous en supplie, réécoutez les enseignements sur le mariage parce que bientôt on va reprendre les 6 parties que nous avons fait avant qu'on ne touche ces cas de divorce. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, c'est, le mariage c'est quoi au juste? Écoutez bien, pour bien assimiler. Parce que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas justement compris, d'autres n'ont même pas écouté, ils ne savent même pas de quoi il est question. Écoutez, avant que quand on va avancer au niveau du mariage, du divorce, que ça ne soit pas un pied d'achoppement pour vous. Verset 3 donc des gens de Matthieu chapitre 19. Les pharisiens l'abordaient et dit pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc ça veut dire qu'il y a-t-il un motif qui peut pousser un homme à divorcer de sa femme, répudier sa femme? Non. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. En réponse, il dit quoi? Ouais. L'homme d'homme ne sait pas parce que Dieu a joué. Donc, plusieurs choses sont dites ici, de la part du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui dit, lui-même. Et on lui pose la question, est-ce que sur la terre, il y a un motif quelconque pour répudier une femme? Et vous ne savez pas ce que le Créateur a prévu au commencement? Remarquez bien comment le Seigneur fait. Il dit, le garde-fou, c'est les Saintes Écritures. Le garde-fou, c'est la Genèse. Le modèle exemplaire, c'est la Genèse. Pour comprendre si ça vous embrouille, c'est la Genèse. N'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement? Maintenant, il nous a amené au commencement. Puis il conclut dans sa phrase en disant, que donc, l'homme ne sait pas bon, pas ce que, quoi, ce que l'homme, quoi, Dieu a joint. Quand il nous a ramené au commencement, il nous dit, le commencement nous fait comprendre que c'est Dieu qui lit les mariages. Le commencement. Quand il ramène au commencement et puis donne ses réponses-ci, ça veut dire d'après le commencement, le mariage est lié par Dieu. D'après le commencement, c'est dans ce Malachie chapitre 2, verset 16 et 18, à 18, il dit que j'ai été témoin entre toi et ta femme à laquelle tu es infidèle. Et donc, c'est Dieu qui est témoin du mariage. Tout ce que vous faites ici, comme le témoignage des deux et des trois au mariage, c'est pour vous. Tout ce que, il dit bien tout ce que vous faites sur la terre, que ce soit le parrain, le marin, le fils-rein de mon mariage, c'est pour vous là. Il n'y a pas ça ici dans les Écritures. Parce que c'est Dieu qui scelle le mariage. Il n'y a pas devant Dieu et devant les hommes. C'est devant Dieu et devant Dieu. Parce que les oiseaux ne se marient pas devant les hommes. Encore moins les animaux du champ. Mais ils croqueraient, n'est-ce pas? Je peux parler alors? Amen. Ça veut dire que si vous êtes marié, vous êtes marié définitivement. La question qu'on lui pose est, y a-t-il un motif pour lequel quelqu'un puisse, un homme puisse répudier sa femme? Il dit, n'avez-vous pas lu, c'est que, ça va mon frère Moïse? Tu lis ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu es marié? Non. Donc, si tu es marié, là, c'est pour toujours, et donc choisis la bonne femme. Moi, tu sais ça, n'est-ce pas? Voilà, donc si tu es marié, là, c'est pour toujours. Même si c'est une sorcière. Même si c'est une sorcière, on arrive là-bas, c'est là où on va toucher. Par les songes, hein. C'est-à-dire que tu rêves que tu as vu ta femme, tu l'as mariée. C'est comme ça que tu vas te marier, frère. Attends, explique-moi, je ne comprends pas. Tu dis quoi? Que tu vas te marier par les songes? Explique-moi bien ça. Ça, c'est intéressant, pas vrai? Par les songes, ce qui s'est passé pour Isaac et Rebecca. Mais est-ce qu'ils sont, ils sont vus en songe? C'était pas les songes. Comment ça? C'est vrai ça? Isaac et Rebecca sont mariés par les songes. Ce qu'il y a encore là. Continue à fouiller, peut-être c'est un exemple avant qu'on mentir. Bon, ça veut dire que là où tu te trouves là comme ça, tu attends que Dieu te montre en songe ta femme. Bon, il t'a déjà montré. Il m'a déjà montré par la vision. Comment ça? Donc tu la connais déjà? Oui, je la connais déjà. Tu lui as dit? Non. Donc tu regardes comme ça, tu as peur? Quand tu la vois, chaque fois ton cœur, tu es à l'aise. Pour confirmer, il faut affronter. Il faut affronter, mais pourquoi tu ne l'affrontes pas alors? Tu sais que quand tu veux faire quelque chose, il y a souvent que l'ennemi bloque pour que tu n'avances. Attends, tu dis que Dieu t'a montré en songe et tu la vois, tu la connais. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu as quitté de ta maison jusqu'ici. Qu'est-ce qui t'empêche de quitter aussi de ta maison pour la voir, pour lui dire que chérie, tu es ma femme? C'est pas ça, hein? C'est ça. Mais qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Tu as peur, n'est-ce pas? Tu as peur, n'est-ce pas, frère? Tu as peur de sa réponse? Non, non, non. Tu portes le nom de Moïse. Est-ce que Moïse avait peur? Non. Qu'est-ce qui te faut alors? Dis le frère Bruce va t'accompagner là-bas. C'est pas ça, frère Bruce? Chez qui? Chez sa femme. Il dit qu'il vient d'arriver comme ça, la caisse à chaud. Il dit qu'il a vu sa femme en vision. Mais je lui demande pourquoi il ne va pas prendre sa femme. Il a terminé de tourner comme ça. Quand on voit la femme en vision, on fait comment? On va lui poser la main. Tu pars quand alors? Il t'accompagne. Tu as peur d'elle? Non, rien. C'est quoi le problème? Dis-nous si on veut. L'homme doit d'abord avoir peur de la femme. L'homme ne doit pas avoir peur de la femme. Bon, dis-nous donc. Il a décidé, il a prié que non, il veut affronter ce que Dieu m'a présenté. Donc tu vas aller affronter. Oui. Courage, d'accord, frère? Merci. Sache que ce sont les abeilles. Hein. Même si dans la première tentative, tu reçois une bosse. Prends courage, d'accord? Oui. Donc dans ce livre de Matthieu chapitre 19, le Seigneur nous dit, on nous pose la question au verset 3 que les pharisiens ont dit qu'y a-t-il un motif quelconque pour lequel les gens un peu réfugier sa femme. Le Seigneur dit, n'avez-vous pas lu? Chaque fois, vous voyez, chaque fois qu'il touche ce passage-ci, j'insiste là-dessus parce que c'est le Créateur lui-même qui nous a référé aux Écritures. Donc il veut par là nous dire indirectement et de façon directe. Il dit bien indirectement et de façon directe. Que s'il y a n'importe quelle question qu'on se pose, c'est quelque chose qui a été déboussolé sur la terre. Regardez le modèle du commencement. Et il n'y a pas grand chose, il n'y a pas quelque chose de terrible qui soit déboussolé sur la terre maintenant comme le mariage. Parce que c'est la base fondamentale de la fondation de toute société, le mariage. Vous entendez quelqu'un, une fille dit que voici le père de mon enfant. Tu dis le père de ton enfant, c'est quel genre d'appellation? Là, le garçon de l'autre côté lui dit que je m'en vais voir la mère de mon enfant. Il dit que je prends soin de mon enfant, pas de toi. L'enfant est sorti du laboratoire. C'est pour ça qu'on se comprend. Or, quand il a dragué pour que cet enfant se soit donné le chocolat, les biscuits, il partait au délice, il prenait la glace. C'est pas ça, les frères et sœurs. C'est ça, non? On dit n'importe quoi. Il cherchait le vocabulaire qui va toucher ton cœur. Quand il parle comme ça, quand il t'appelle, ton cœur fait comme si tu avais la palpitation. Quand il filme, quand l'enfant entre maintenant, tu as peur que je suis enceinte, que je commence à cracher, il dit que non, non, non, tu es sûr que c'est mon enfant. Cette chose-ci, c'est normal que la terre soit dans cet état-ci. Et ça va aller comme ça de pire. Regardez les styles de mariage que nous avons maintenant. Les gens qui se marient avec les animaux, les gens qui se marient avec la bête. Et la Bible parle même des Baphomets. Comment les femmes devaient se marier avec Baphomets. On a autant de choses comme ça sur la terre. Donc, remarquez bien, quand Jésus est sur la terre, les pharisiens ont des problèmes avec le mariage. Autant que Jésus marche sur la terre, ils ont des problèmes avec le mariage. Imaginez donc après Jésus. Pourtant, ils avaient les écrits. S'il y avait un modèle où on devait voir le mariage, c'était en Israël, puisque Dieu avait pris Israël et donné sa loi pour qu'on puisse voir en Israël la façon de que Dieu veut qu'on marche. Mais chez eux, c'était grave. En milieu chrétien encore, c'est très grave. Vous voyez les pasteurs qui disent que Dieu m'a donné la révélation que tel n'est pas ton mari, quitte cette femme-là, quitte cet homme-là, et puis tu viens, et le pasteur qui prend la femme. En milieu chrétien. Puis-je me permettre donc de dire que le mariage, pour le mariage, il y a une grâce spéciale pour ceux qui parlent de cela? Puis je me permets de dire que selon les Saintes Écritures, n'importe qui ne prononce pas les... En tout cas, c'est ce qui... Il ne parle même comme ça, c'est écrit ici. Regardez le verset 11. Allons-y d'abord au verset 11. Regardez verset 10, verset 10 et 11, ce que le Seigneur va dire. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc le problème du mariage là, il faut faire attention. Jésus a bien dit là-bas que tous ne comprennent pas, parce que ça a troublé même les disciples. Au point où les disciples ont dit que si c'est comme ça la condition de l'homme à l'égard de la femme. Parce que lorsque les disciples voient suivre ce que le Seigneur dit ici, ils ont comme l'impression que c'est l'homme plutôt qui est désavantagé. Mais quand vous lisez ça, vous avez comme l'impression que c'est la femme qui est désavantagée. Mais les disciples ont compris que c'est très grave. Parce que d'après ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici, de toute façon, lisons, prenons encore le verset 3. Matthieu chapitre 19, verset 3 et suivant. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'est-à-dire qu'il y a-t-il un style de problème qu'il peut avoir entre l'homme et la femme? Et ça donne le droit à l'homme de dire à la femme qu'à partir d'aujourd'hui, parce que si vous lisez le livre des Deutéronomes, il était question qu'on écrivit une lettre de divorce et on donne à la femme, on dit rentre chez tes parents, dis à ta femme que je t'ai répudié. Et les pharisiens posent donc la question à Jésus, que c'était, est-ce que c'est permis? Vous voyez que même la question si est un problème. Parce que d'après ce qui est écrit là-bas dans le livre des Deutéronomes, Moïse a permis cela. Si eux également parviennent à poser la question à Jésus, ça montre qu'ils ont un problème avec cela. Verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que, donc le Créateur a fini de faire des choses, il a mis par écrit sa pensée, son histoire. Et il s'attend à ce qu'on lit ça pour prendre le renseignement. C'est-à-dire le livre de la Genèse a été confirmé par le Seigneur Jésus-Christ comme venant des dieux. Donc si quelqu'un dit que non, ça a été trafiqué, c'est lui qui est le trafiquant. Alors, n'avez-vous pas lu que au commencement, que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux. Vous voyez que dans cette phrase c'est exclu la polygamie. Ils ne sont plus deux. C'est pas un autre chiffre qu'on a mis ici. Parce que si vous êtes une seule chair et que tu te fonds avec une personne, tu ne dois plus sortir de cette personne pour aller te fondre à une autre personne. Ça veut dire que la polygamie était une volonté permissive du Seigneur. Ça veut dire que ici se trouve le modèle exemplaire de un homme, une femme. L'homme n'est pas multidimensionnel qui va dire qu'il va fondre avec celui-ci avec une dimension, fondre avec une autre dimension, que non. N'est-ce pas ce que vous me suivez? Si vous voulez aller commencer à voir les cartographes et les géographes sur la Terre pour dire que non, si la Terre, il y en a 6 milliards de femmes, 1 milliard des hommes, si chaque personne prend un homme, tous ne sont pas. Et tu vois, même si une femme n'a pas de mari, c'est ton problème. Il faut que chacun prenne même 4 femmes. C'est comme ça là, non? On dit comme ça, il est femme. Ah, continuons ici, pardon. Verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Puis conclut. Voici la dernière phrase, c'est la réponse à la question qu'ils ont posée. Parce que gardez-vous à l'esprit que la question c'est, verset 3, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Soulignons homme là-bas. Dans le verset 3, on dit que les pharisiens l'abordaient pour l'éprouver. Il lui fait proposer cette question. Est-il permis à l'homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous avez vu ce qui est écrit, n'est-ce pas? Voilà la question. C'est que d'ici dès le départ, le Seigneur est en train d'amener l'explication avant de répondre à la question. Donc, la réponse à la question se trouve dans la partie B de verset 6. Donc, je vais lire donc directement la question des pharisiens, puis je vais lire directement la réponse du Seigneur Jésus. D'accord? La réponse de la question des pharisiens se trouve au verset, la partie B du verset 3. La réponse du Seigneur Jésus se trouve dans la partie B du verset 6. Alors, verset 3, partie B. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Réponse, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Fin de citation. Vous remarquez que Dieu n'a pas, en fait, il n'a pas épilogué sur cas 1, si elle est sorcière, cas 2, si elle est franc-maçon, cas 3, si tu ne crois pas à ton Dieu. Vous avez vu ça qu'il n'y a pas, non? Maintenant, la réponse du Seigneur Jésus-Christ mérite encore qu'on s'y intéresse. Parce que dans la question, vous remarquez la question, dans la question, Il était question seulement d'une affaire de la maison. C'est-à-dire que de l'homme et de sa femme. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la maison. Et l'homme décide de dire à la femme que quitte de chez moi. Jésus a érigé ça non seulement de l'homme, mais de l'extérieur. Il a dit que l'homme donc ne sait pas pour ce que Dieu a joint. C'est-à-dire que même l'homme n'a pas le droit de n'a pas le pouvoir de dissoudre son propre mariage. C'est terrible. C'est-à-dire que si tu t'engages avec une femme, même si tu voudras te séparer, tu n'as plus le pouvoir. Parce que le lien ne se passe pas sur la terre. Le mariage transcende le cadre naturel. Le mariage dépasse le cadre naturel des cérémoniales que nous faisions ici en disant « Ouh, il faut parler encore. » Non. Le mariage va au-delà et traverse jusque devant le trône du Seigneur. Ça veut dire qu'avant de dire à quelqu'un « Je t'aime, je vais te prendre pour épouse », méditez bien sur cela. Méditez bien. Dans Proverbes chapitre 20, verset 25, vous savez très bien ce qui est écrit là-bas. Il dit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Tu tombes dans le piège en disant je vais t'épouser. Oui, parce que ta chair te dit qu'est-ce qu'il avait fait. Tu vois encore Catherine. Catherine est plus belle que Charlie. Tu dis Catherine, quand je te disais la dernière fois, c'était l'émotion. Hein. Mais elle a pris comme ça. Après, elle dit tu as blessé mon cœur. Vous me suivez, mes soeurs? Voilà. Alors, je recommence encore pour vous, c'est ce que je voulais dire. La question c'est, est-il permis? Il veut savoir s'il y a une permission de la part de Dieu. C'est les pharisiens qui posent la question. Pour un homme de répudier sa femme, je suis en train de dire que c'est une histoire de l'homme et la femme, et c'est ceux qui sont mariés. Jésus dit que l'homme donc ne sait pas point ce que Dieu a joint. Il érige la loi de Dieu sur la condition humaine, pas seulement dans le foyer. Ça veut dire que ni l'homme qui est impliqué dans le mariage avec la femme n'a le droit de séparer, ni quelqu'un de l'extérieur n'a le droit de séparer, ni personne ne doit venir prononcer un divorce entre les hommes et la femme. C'est terrible. Que l'homme donc ne sait pas point ce que Dieu a joint. Maintenant, quand il dit que l'homme donc, il érige la chose au niveau universel. Puis il donne l'information que le mariage, c'est Dieu qui joint. Ça va nous pousser beaucoup à réfléchir par rapport à cela. Pas étonnant donc au verset 10 et 11 là, il dit que tous ne comprennent pas non cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Donc le problème du mariage n'est pas réglé par les gens du ministère des affaires, des affaires sociales. Pas de ministère de la condition féminine. Il n'y a pas une condition féminine. Il y a un problème d'ordre spirituel dans le mariage. Satan a pour but, comme il a fait pour saccager le premier mariage, de vouloir saccager tous les autres mariages. Parce que le mariage a pour but d'honorer et d'accomplir la volonté du Seigneur. Si un homme est appelé à se marier, il est appelé à accomplir un dessein du Seigneur dans sa vie. Donc il a une aide, a besoin d'une aide semblable. Quelqu'un qui doit l'accompagner dans la tâche que Dieu lui a conférée. Et faire un mauvais choix, enfin, de toute façon, si vous êtes appelé de Dieu, vous ferez le choix qu'il a fait pour vous. Parce qu'à une tâche déterminée, si vous vous trouvez dans la tâche, il vous enverra la personne qui est là. Vous me suivez, frère? Amen. Il peut avancer? Amen. De qui? De ta femme là? De ta femme là? Non, par rapport à cela. Parle là-bas que les gens puissent entendre. Elle n'est pas ici. Non. Celle-là que tu as vu la vision, elle n'est pas ici. Non. Bon, ne parle pas, ne réponds pas. Parle alors. Donc, ce que je voulais dire est que, entre-temps, on parlait par rapport à cela. Qui ça? On parlait par rapport pour le mariage. Toi? Oui, donc, on nous a montré un peu l'exemple. On a dit ceci, que s'il y a deux formats, et on met maintenant la cote sur les deux formats en cote, et qu'on doit enlever, ça sera encore intéressant. Mmh. Ça doit changer. Voilà. Et ce n'est pas bien. Ça déchire. Oui. Et c'est pour cela qu'on dit que ce que Dieu a personne ne joue pas. Donc ça veut dire que d'après ce qu'on a dit, l'exemple pour ce passage-ci, c'est qu'on vous donne, vous avez pris deux formats blancs, oui. On met la colle sur les formats, que marié c'est marié. Oui. Quand on colle les formats, là, ça se colle directement. Oui. Si on enlève, ça se déchire, et il y a une déchiqueté. Oui. Que Dieu te bénisse. Donc tu comprends donc que tu vas t'engager, on va t'engager, il faut regarder c'est le format contraire là-bas. Oui. Il faut savoir bien que c'est ton format, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Oui. Que l'homme donc ne sait pas pour ce que Dieu a joué, n'est-ce pas? Donc, c'est Dieu qui jouait le mariage. C'est vrai, on dit que si vous allez dans les tribunaux humains, vous portez plainte que non, ma femme me fait vivre de calvaire. Mon mari, c'est un sorcier. Il a vendu 3 enfants. Tout ce que vous bavardez ici, c'est votre exemple et c'est pour votre exemple. Ça ne sert à rien en haut. Souvenez-vous de la question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque que l'homme ne sait pas prendre ce que Dieu a ajouté. Voilà donc, ici est exprimé la volonté parfaite de Dieu pour le mariage. Ici, donc, tout ce qu'il va dire par la suite, là maintenant, ce sont les subsidiaires. Allons-y, continuons la lecture. Le verset 6 donne la réponse à la question. D'accord? Écoutez bien, j'arrive. Le verset 6 donne la réponse, a déjà répondu à la question. J'espère que vous me comprenez. Amen. Le verset 6 a déjà réglé le problème. Est-il permis à un homme de refuser sa femme pour un motif quelconque que personne ne sait pas ce que Dieu a joint? Donc la réponse est, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de motif pour lequel un homme doit divorcer de sa femme. Et même si vous voulez divorcer, vous n'avez pas le pouvoir parce que vous ne pouvez pas séparer ce que Dieu a. Ça, c'est ainsi dit les Saintes Écritures. On y va. Bon, maintenant, si elle est sorcière, ça veut dire que si vous existez devant le Seigneur, il va se dire, elle est sorcière ou bien mon mari est franc-maçon, il vend les enfants. Vous dites, vous voulez dire que quand tu élevais ta, tu voulais dire à Jésus que lorsque tu énonçais tes lois là, est-ce que tu avais pris le cas de, tu avais considéré même le cas de ceux qui sont les francs-maçons? Il est franc-maçon, c'est son âme qui est là-bas. Il est franc-maçon, il vend son enfant, c'est sa sémence. Il va vendre la sémence sans pouvoir vendre l'âme. L'âme, c'est sous le contrôle du Seigneur. Et même si vous vend, Jésus n'a pas dit, ne vous inquiétez pas, même si on vous vend. Vous avez remarqué ça, non? C'est pas, regardez-moi bien, vous me comprenez, n'est-ce pas? N'a-t-il pas dit au chapitre 10, au verset 28, que n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme? C'est-à-dire, même si ton mari est franc-maçon, si tu es vent, c'est une très bonne chose. Ils vont manger ta chair bien. Mais à quoi est-ce que ça s'est passé? De toute façon, s'ils ne mangent pas, les asticots vont manger. Et s'ils boivent le sang, c'est le sang pollué. Le corps glorieux qui est là-bas n'a pas besoin de ce sang-ci, d'accord? La partie intouchable par eux, lorsque vous êtes dans le Seigneur, c'est l'âme. Que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait quoi? Son âme. Venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, et je vais vous donner le repos. Pourquoi? Hein? Pour vos âmes. Donc c'est l'âme. Quand l'âme est dans le repos, vous êtes caché avec Christ en Dieu. Tout ce qu'on peut faire sur ce corps-ci, là, ça ne sert à rien. Puisqu'il y a des gens qu'on a coupé, quand on a réclamé la tête de Jean-Baptiste, ça a empêché qu'il soit prophète. Quand on a coupé sa tête, quand il va venir dans l'enlèvement, vous allez le voir là-bas à la fin des temps. Il sera sans tête. Non. Donc ça ne sert à rien. Si on fait le njunjuk là-bas avec votre tête, on prend votre doigt, on fait le truc avec le cérémonial, on mange avec ça, ne sert absolument à rien. Parce qu'à jamais, quand vous entendez cette voix parler, personne ne peut l'atteindre. Et personne ne peut l'éteindre. Et cette voix qui est en train de parler maintenant. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire quelque chose assez mortel-ci. Mais l'autre qui est à l'intérieur, personne ne peut le toucher, même pas le diable. Parce que c'est donné, emprisonné et scellé dans le Seigneur. C'est ainsi. Alors si on brûle les apôtres, on crucifie les autres, on fait visite de le sang, d'autres on donne, le lion mange. Vous entendez que le lion a mangé un apôtre jusqu'à se finir, ça fait l'os a fait. C'est-à-dire que l'apôtre a disparu. On n'a jamais tué l'apôtre. On a tué l'homme qui était devant eux. Mais ils n'ont pas touché l'apôtre. Donc en fait, le lion n'a pas mangé l'apôtre. C'est parce que c'est ça. Le prophète qui est à l'intérieur, on ne peut pas l'atteindre. Avant que vous ne finissiez comme ça, il est quitté, il est à côté. Vous faites le corps, c'est un peu comme la maison comme ça. Vous détruisez la maison. Vous ne pouvez pas atteindre la personne qui est à l'intérieur. L'air qui est à l'intérieur, vous ne pouvez pas toucher. Vous allez beau casser la maison, la partie ici qui est l'air là, qui est à l'intérieur, vous ne pouvez pas toucher ça. C'est parce que c'est ici. Alors Jésus a dit que l'homme dont ne sait pas point ce que Dieu a joint. Donc Dieu a joint, on ne peut pas, on ne peut pas séparer. Et puis si on ne le fait pas, maintenant, cas 1. S'il est franc-maçon, cas 2, et si mon mari est allé dehors, alors comment je suis fidèle, il est tombé, quoi, il a le sida, comment je vais faire? Il dit que l'homme ne se prive point de sa femme et que l'homme-femme ne lui donne à son mari ce qui lui est dû. Et si j'ai le sida, si tu meurs, c'est bon, tu avances rapidement dans le royaume. C'est mieux que la persécution, c'est pas vrai? Mais c'est vous qui posez la question, vous voulez pas qu'il réponde. Hein? Je réponds ou je réponds pas? Écoutez, c'est de vous faire comprendre que vous, qui n'êtes pas marié, vous devez prendre l'exemple sur ceux qui sont dans le monde pour ne pas faire l'erreur d'aller regarder les enfants de Jézabel dans le monde pour pouvoir les épouser. Que non, frère, je ne vais les amener avec toi, tu vas les convertir. Je n'ai pas le pilon du Saint-Esprit chez moi. Souvenez-vous de cela. Donc, si vous partez mettre votre pied là-bas, sachez que si vous voyez un homme passe pour côté, vous dites, oh, le gars, le type là est frais, il est fait, son parfum sort de l'Arabie Saoudite. Oubliez. Quand il fait avec vous, quand il va voir une autre fille dehors comme ça, il va faire la même chose. Et si il porte le sida, il vient chez toi, tu vas accepter. Donc il faut accepter son sida. Son sida ne peut pas toucher ton âme. Son sida ne peut pas toucher. Tu auras les effets dévastateurs du VIH. En mourant comme ça, tu seras toujours dans le Seigneur. Tu vas aussi ça la tibokie, on t'accompagne bien dans la mort, on se retrouve là-bas. Donc, si vous voulez éviter ça, évitez. Comment vous me regardez comme ça, il ne parle plus. Ouais, parle. Ce que son ami dit, c'est 1 Corinthiens chapitre 7 dit que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui est dit et que la femme rende à. Donc, si dit, ah, mon mari, quand il rende sa bouche sans l'alcool, sans, il n'y a pas le verset contre l'alcool, que s'il sent sans, tu ne lui donnes pas. Il n'y a pas ça dans la Bible. Vous avez vu ça dans les Écritures? Non. Quand il a seulement dit que la femme rende à son. Il m'a dérangé hier. Il voulait faire ma nuit de prière. Il m'a dérangé. Si tu as épousé un païen, subis. C'est la partie qui ne peut pas toucher, c'est la partie de Christ en toi. C'est ça qui ne peut pas toucher. Si vous avez Christ en vous, la Bible déclare que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On ne peut plus tuer cette vie-là. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Le Seigneur Jésus a dit que personne ne les ravirait de la main de mon Père, qui me les a donnés. Parce que mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez subir. Vous aurez la grippe comme tout le monde. Pas vrai? Quand le temps, quand il fait soleil, ça chauffe sur vous comme tout le monde. Mais la vie qui est en vous, le soleil ne le chauffe pas. L'esprit des maladies ne peut pas le toucher. Il est vivant pour toujours. Celui qui est à l'intérieur. Et donc, il est au-dessus de tout ce qui est sur le commun de mortel peut subir. Donc, en réalité, les légères afflictions qu'il y a ici peuvent toucher. C'est pour ça que je vous dis chaque fois dans l'enseignement que vous pouvez avoir le palu. Le mondial, le palu, votre palu n'est pas identique parce que vous avez l'espérance. Le palu ne touchera jamais la partie de vie de Christ qui est en vous. Le sida ne peut pas le toucher. Il n'y a pas le sida christique. Le sida touche la partie ici. Ok, j'avance. Continue dans la lecture. Donc, la réponse du chapitre 19, verset 3, partie B, est donnée dans le chapitre 19, verset 6, partie B. La réponse est N-O-N. C'est-à-dire quoi? Non. Y a-t-il un motif pour divorcer? Non. D'après le plan de Dieu, c'est ça. Voilà la volonté parfaite de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication. Ah, mon il va tuer, il va insulter mon père qui m'a mis au monde. Quelqu'un a mis ton père au monde qui l'avait insulté. Donc, ce n'est pas un motif. Il insulte mon père, il dit ta main, bon. Et c'est pour ça que tu prends tes trucs, tu pars. Oui. Donc, tu dis que tu m'as pris chez moi, tu m'as pas voté. Vous appelez voté, c'est doté. Oui, c'est pour ça qu'il part chez mes parents. Le jour que tu avais dit oui, tu ne comprenais pas. Hein? Et après 5 enfants, il faut qu'il vienne tout ça doté. Le jour, on fait encore. Non, on doit changer, pas vrai? Donc, c'est non, point de divorce. Point de divorce. Si vous allez chez les non-croyants maintenant, ils s'en foutent de la loi de Dieu. Mais malgré qu'ils s'en foutent, il n'en demeure pas moins qu'ils seront amenés en jugement pour cela. Les hors la loi vont être jugés selon la loi. Alors, verset 7 dit quoi? Donc, je suis en train d'insister pour que vous compreniez que la réponse est déjà donnée. Maintenant, regardez. Vous avez fait que j'entends dans l'enseignement. C'est dans le cas, quand il vient dans le mariage, qu'on va détailler tout ceci dans les Écritures. Selon pour cela, vous allez remarquer que dans les Saintes Écritures, si vous lisez le livre de Jérémie, vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous lisez le livre d'Osée, prenez le temps de lire Ézéchiel chapitre 16 et chapitre 23, Jérémie chapitre 3, 4, 5 et 51. Puis vous lisez le livre d'Osée. Et le livre des Sophonies. Maintenant, et le livre de Nahum, chapitre 3. Vous allez remarquer, vous allez noter ça, hein? Même ça aussi. Bon, le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, et il n'y a pas dit jusqu'à, il dit et. Le chapitre 16 d'Ézéchiel et le chapitre 23. Le livre du prophète Jérémie. Ah, ce que les prophètes ont dû endurer. Vous voyez, aujourd'hui, on parle seulement en restant sous inspiration comme ça. Et ils vivaient ça comme ça. On dit couche-toi et se couche. Pour que ça serve de leçon. Pour que les gens te voient, ils écrivent. Là, ils ont écrit. Jérémie chapitre 3 à 5. Donc, le chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Puis le chapitre 51. Le livre du prophète Osée. Toi, quand c'est nous donné le livre de tous les prophètes. Sophonie. Vous y êtes. Et puis Nahum. Nahum chapitre 3. Voilà, je peux avancer là, j'ai le temps de parler et puis ça m'amène dans cette direction-ci. Ce que je suis en train de dire, c'est prenez le temps particulièrement de fouiller dans le livre de Osée. Vous allez voir effectivement que Dieu parle là-bas comme un mari qui a été déçu par sa femme. N'est-ce pas? Et effectivement, sa femme lui a été infidèle. C'est pas ça, frère? Juste parce que Dieu a dit que, ou même la lettre de divorce qu'il a donnée à votre mère. N'est-ce pas Dieu qui a posé la question? Donc Dieu lui-même dans son mariage, ça n'allait pas. Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, son mariage ne donnait pas. Pas vrai? Amen. Juste parce qu'il a dû négocier. Mais qu'est-ce qu'a-t-il fait? A-t-il divorcé? Non. Il a même parlé de la lettre d'amour pour dire son amour pour lui. Même si le soleil fait un peu, ça ne changera. Donc même si le soleil brûle n'importe comment, son amour ne change pas. Vous voyez qu'il avait une raison valable, ou mieux, des raisons valables de divorcer de sa femme. Maintenant, Dieu n'a pas divorcé. Si Dieu, dans les moments difficiles où sa femme est allée épouser des sorcières, des prostituées, vous remarquez que Dieu n'a pas divorcé, ça veut dire qu'il vient de dire clairement que même si n'importe quel vent et mari qui tourne dans votre foyer, vous devez tenir ferme. Si Dieu lui met des difficultés dans son mariage, à combien faisons-vous? À combien faisons-nous? Regardez même l'époux du Seigneur, jusqu'à ce que les gens viennent pour séduire. On dit que tu es belle. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça des sœurs, mes frères? Car je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pure. Je crains que votre pensée ne soit séduite, n'est-ce pas? Que vous avez été séduit. Donc on a séduit même l'épouse du Seigneur. Ça, c'est Jésus, c'est la femme de Jésus maintenant. Même la femme de Jésus, on ne la laisse pas tranquille. Dieu, c'est Marie, sa femme dérange. Jésus se marie sa femme. Alors vous, c'est qui? Jésus a divorcé de sa femme. Non. Dieu a divorcé. Pointez quelqu'un. Dis même c'est n'importe comment. Supporte. Voilà. C'est ce qu'il en est. Voilà ce que la Bible présente. D'accord? Donc Dieu donne la punition à sa femme. D'autres, Dieu dit que par exemple, que mon lait qui coulait sur vous, ça ne coulerait plus. Donc, c'est-à-dire qu'il ne doit pas vous donner la nourriture pour préparer. Mais fais quoi? Ils dorment ensemble. Ok, verset 7. Donc, le Seigneur, ils ont posé la question au verset 3. Le Seigneur a répondu au verset 6. Ils relancent encore la question. D'accord? Parce qu'en toile de fond, ils savent dès le départ que Moïse a permis cela. Alors, là, vous avez moi là. D'après ce qu'on en a de lire ici, les pharisiens ont compris qu'en fait, la réponse était non. Ils ont bien compris. Parce qu'ils posent la question. Est-il permis, au verset 3, partie B, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus dit que l'homme dont ne sait pas point, c'est que Dieu a joint. Ils disent donc, verset 7, maintenant il relance. Pourquoi donc Moïse a-t-il permis d'écrire une lettre quoi? Et de quoi? Et de la répudier. D'après ce qu'il a dit ici, la réponse du Seigneur Jésus semble contredire ce que Moïse a fait. Parce que là, Jésus qui dit c'est pas permis. Il dit dans ce cas pourquoi les Écritures donc Moïse a permis. Nous avons compris que Jésus qui voulait dire non, que l'homme donc ne sait pas né, c'est pas pas. C'est que Dieu a joint. L'homme ne doit pas interférer dans le cadre du mariage. Je suis ta père, ton père qui t'a naissance. Si tu ne viens pas ici me donner le tabac, je tape mon pilon par terre. Tu ne dois pas accoucher. Tu parles. Avancez seulement vers le Seigneur et voyez ce qu'il en est par rapport à sa malédiction. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Je voudrais insister, souligner la dureté de votre cœur. Je vais vous expliquer ce que le Seigneur est en train de dire. Maintenant, merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Nous allons parler de cela maintenant. Nous allons parler de ça. Vous voulez qu'on parle de cette expression, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Chacun touche son cœur, voit. Il n'y a pas demandé que vous touchez votre poitrine. Il demande que vous touchez le cœur. Essayez de toucher votre. Vous avez qui a touché son cœur? Vous n'avez pas venu à toucher? Non. Mais le Seigneur Jésus dit, ce cœur-là, c'est à cause de sa dureté. Maintenant, il va falloir qu'on comprenne ce que le Seigneur est en train de dire. Parce qu'il dit à cause de la dureté de votre cœur, vous dites comme ça que mon cœur est Dieu. Enfin, si vous prenez l'organe appelé cœur, c'est Dieu, frère. C'est comment? C'est mou, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est gluant, c'est une touffée du sang. Si on l'appuie, ça se perd, c'est pas vrai? Alors, il a de dire quoi au juste ici? Des choses se trouvent enfouies dans le cœur. Des convoitises, des mauvais désirs se trouvent dans le cœur et ça pousse les gens à entraîner dans le divorce. Dieu dit, c'est à cause de ça que le prophète Moïse a dit, il y a des choses dans leur cœur qui vont être exprimées plus tard. Donc, il faut qu'on leur donne une voix dessus. Il ne parle pas que le cœur est Dieu. Non. Ça n'a pas de sens pour comprendre que le cœur est Dieu. De toute façon, on n'aurait pas d'autre explication que celle-là. C'est vrai, on dit en réalité, l'homme potentiellement, si la loi ne lui donne pas de se s'abstenir, il va regarder toutes les femmes. À chaque fois, il va les changer comme les sandales. Dans le cœur de l'homme se trouve l'esprit de convoitise inné. Quand il voit toute une femme, chaque fois, il cherchera, il souhaitera que la femme soit à lui, même s'il n'a pas la force pour faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous voyez un être humain, il dit que j'adore tes yeux. Un être humain adore les yeux d'une femme, que ton regard me tue. Donc ce regard, tu as un regard perçant comme celui de l'aigle. Le type est dirigé à l'intérieur. Donc ce que le Seigneur te dit ici, c'est que dans le cœur de l'homme se trouvent des envies pernicieuses qui pousseraient les hommes plus tard à la détresse et le désordre dans le mariage. Moïse, le prophète, voyant cela, a donné une brèche. C'est ce que le Seigneur te dit. C'est à cause de la dureté, c'est-à-dire à cause de la perfidie de votre cœur, à cause des convoitises qu'il y a dans votre cœur, à cause des voix détournées qui sont à l'intérieur de votre cœur, à cause de la soif de la prostitution qui est dans votre cœur que Moïse a fait cela. Sinon, ça devait les tuer. C'est ce que le Seigneur lui dit. Moïse l'a fait à cause de la dureté de votre cœur. Puis il dit, quoi? Qu'est-ce que le Seigneur conclut? Moïse nous a permis de répudier vos femmes. Oui. Commencement, il n'en était pas ainsi. D'après ce que le Seigneur nous a dit, ça c'était le législateur qui a dit. Ça n'a pas été voté au ciel comme ça. Donc c'est Moïse qui a pris la décision de dire, je vous demande de divorcer si c'est comme ça. Ce n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. Si c'était l'ainsi dit le Seigneur, ça ne pourrait pas changer. Il dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc dans le plan de Dieu, dès le commencement, Dieu n'a pas prévu ceci. Moïse l'a fait. Parce qu'il a vu quelque chose qu'il a dedans, devant eux. Vous pouvez maintenant voir qui est Moïse, n'est-ce pas, frère? Donc, ça veut dire qu'ils ont pris une portion de l'écriture sans comprendre que dans les écritures, il y avait ce que Moïse, le prophète, l'a écrit pour aider les hommes sur la terre. Ils ne pourront pas s'en sortir parce que là, la parole de Dieu ne peut pas contredire la parole de Dieu. Donc, cette permission, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas prendre les permissions de Dieu. C'est un peu comme, je crois que je passe le quoi. La jurisprudence n'est pas une loi praticable. C'est quelque chose à côté qui peut seulement aider. Vous ne pouvez pas laisser la loi qui est écrite, qui est claire, de façon claire, pour pouvoir avoir une jurisprudence, pour pouvoir appliquer votre jugement. Pourtant, la loi dit clairement telle ou telle chose. N'est-ce pas, mon frère? Non, écris, frère. Alors, ici, Moïse l'a fait à cause de la dureté, c'est-à-dire à cause de la paix, des cœurs tortueux. À cause du cœur de péché, de cœur qui court au péché, qui vit toujours au mal. Comme Dieu l'a dit dans le livre de Genèse. Il dit qu'il a vu chaque cœur, le cœur de l'homme était toujours quoi? Incliné vers le mal. Et lui-même fut affligé dans son cœur. Moïse a vu cela de loin. Il a prévu une brèche. Exactement comme l'apôtre Paul a fait. Pas vrai, frère? Vous avez l'apôtre Paul écrit exactement cela, n'est-ce pas? Et il traitait de quoi avant de dire cela encore? L'apôtre Paul, il traitait du mariage toujours. Donc l'affaire du mariage, il faut faire attention. Le législateur du Nouveau Testament a fait la même chose. Le législateur de l'Ancien Testament a fait la même chose. Des brèches. Je voulais que tous les hommes fussent comme moi. Aux autres, je leur donne. Non, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Je leur donne. Mais c'est terrible. Vous avez dans les Saintes Écritures? Il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi. Non, c'est Paul, c'est Moïse qui avait dit ça. Et le gars s'est basé sur ça pour divorcer, mon frère. Vous savez, on aime seulement la personne, la partie où l'apôtre peut dire que la femme rende à l'homme ce qu'il lui a dit. Mais là, il a dit que je souhaiterais que tous les hommes fussent comme moi. Personne ne veut accepter ça. Donc, merci pour cette question-là. On arrive. Alors, maintenant, je commence à vous poser la question. Vous me répondez par oui ou par non. Si un couple, un sorcier, jusqu'à ce qu'on a intronisé, ce qu'on voit même à la télévision, c'est un motif pour se divorcer, oui ou non? Non. Si l'autre est allé dehors, coucher avec la femme jusqu'à avoir le sida, il vient à la maison, c'est un motif pour se divorcer, oui ou non? Non. Continuons. Dites toujours non comme ça. En tout cas, on n'a pas besoin de dire autre chose, c'est ce qui est écrit, non? Mm-hmm. Jusqu'à un jour qui avait dit non là-bas, ils ont voulu philosopher pour trouver le local, un cadre, ça n'a pas donné. Quand elle est sorcière, la personne là est sorcière, elle est sorcière depuis quand? C'est quand tu as découvert qu'elle est sorcière, non? Quand tu as découvert qu'elle est sorcière, c'est là où elle est sorcière. Donc si vous voulez manger, mais le jour de ton mari, elle doit te manger. Peut-être même c'est le maire, c'est un peu comme vous dites, ah non, je veux que quelqu'un prie pour mon mariage. La majorité des mères qui vont célébrer le mariage sont les francs-maçons, pas vrai? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils prononcent sur votre mariage? Si c'est eux qui le disent, vous êtes fini. Il dit, Dieu merci pour que ce soit le Seigneur qui scelle le mariage. Vous allez devant le maire qui est franc-maçon. Il a son pince ici, des clauses quoi. Il sort comme ça de son sanctuaire, le parfum qui sent. Il dit que par le pouvoir qu'ils m'ont donné, pas qui frère. Je vous lis mari et femme. Si c'était sa parole que vous liez au ciel, c'est que vous êtes fichu. C'est que ça n'est pas monté jusqu'au troisième ciel, n'est-ce pas? C'est que ce deuxième, ça doit être limité. Et il envoie tes principautés chez toi. Et tu restes à la maison, les marmites commencent à bouger seules. Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il veut dire, la référence n'est pas le livre de Moïse, c'est le commencement. C'est que le Créateur a fait. Mais je vous dis que celui... Donc, écoutez bien. Il réplique maintenant vis-à-vis de ce que Moïse avait dit ici, ce que les pharisiens sont de lui présenter. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, comme un adultère. Ça veut dire que si vous voulez entrer dans votre répudiation là-bas, tu répudies une femme, tu en épouses une autre, tu commets un adultère. Il dit sauf pour infidélité. Qu'est-ce que Jésus vient de faire, frère? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient de faire là maintenant? Ok, bon, on continue. Donc ce disciple dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas donc avantageux de se marier. Le Seigneur lui dit que tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. De toute façon, on va revenir sur cet enseignement-ci en plein lorsqu'on va voir la septième partie du mariage. C'est quoi au juste? Donc nous avons vu dans le cadre de la première partie, nous avons vu clairement que ce que nous appelons d'autres ici n'a rien à voir avec les Saintes Écritures, pas vrai? Ça vous a choqué, n'est-ce pas? Mais c'est quand même la vérité. Parce que dans la tête de quelqu'un, c'est... vous savez, quand on vend dire des choses, quand les gens ont tellement déjà fait des choses, si vous voyez qu'un pasteur porte la veste, il dit que si vous n'êtes pas marié à l'église, dans votre famille, on la dot, la mairie, l'église, vous n'êtes pas marié. Vous êtes surpris parce que quelqu'un peut mettre la Bible devant lui comme ça. Il s'est dit serviteur de Dieu, il dit, je vous pose la question, pasteur, montre-moi où on a parlé de ces trois choses dans la Bible. C'est là qu'il va commencer à dire que mais tu ne penses pas que là maintenant ce sera. Tu ne penses pas que... Moi, je pense que c'est pas ça. Au commencement, c'était comment? C'est le modèle là-bas. Au commencement, était la mairie? Non. Au commencement, était la dot? Non. Ça veut dire que ça n'a pas droit d'y citer. Point. Mais, Abraham a doté son frère. Vraiment? A-t-il doté? Non. Isaac a-t-il doté? Non. Jacob a-t-il doté? Non. Dans ce cas, comment il voit d'autres là où il n'y a pas d'autres? C'est un mot de trois lettres qui n'est pas difficile d'écrire, n'est-ce pas? Mandoumé, comment tu me regardes comme ça là? J'ai un problème. Tu as un problème avec moi? C'est hein? Fort. Le problème de la doute, il y a quoi? On doit, tu veux qu'on te doute encore? Je ne savais pas. Donc, il faut écouter dans l'enseignement sur le mariage, d'accord? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai qu'il va falloir que ça soit donné pour que ça soit ainsi. C'est dit pour corriger ceci. Si ce n'est pas ça vous parle, les gens ne comprendront pas. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que même si le mensonge a duré n'importe comment, vous êtes familiarisé avec ça, ça s'est devenu une habitude avec vous. Un peu comme vous avez une tumeur sur votre chair. Cette tumeur-là vous fait du mal. Vous savez que c'est étranger, mais quand vous touchez, vous sentez comme si c'était votre chair. Mais ce n'est pas votre chair, c'est un étranger. Donc, même si vous prenez n'importe quel aspect de la vérité, vous essayez de tourner avec les traditions, ça semble donner. Si ce n'est pas la vérité de la Bible, ça va finir par quitter. Ça va finir par quitter. Et comme si vous êtes habitué à nager là-dedans, ça va finir par vous lâcher. Ou bien vous allez lâcher parce que vous allez être confronté à la vérité ou votre âme va accepter ou rejeter. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est ce que quand vous voyez, on prêche comme ça, quelqu'un dit, donc on va se marier donc comment? Les autres se marièrent comment? Les questions, je crois que c'est bon là, n'est-ce pas? Pour le mariage. Donc, si ta femme est sorcière, dis ma chérie sorcière, je te fais mouah. Si ton mari est franc-maçon, tu as fini avec la réunion franc-maçonnerie, tu fais mouah. Voilà. C'est ton mari que tu embrasses, c'est pas le franc-maçon. Si ta femme est sorcière, si elle sort la nuit, elle sort, elle part. Tu dis que voyage. Quand tu vas rentrer ici, on commence. C'est la maison ici où tu devais être. D'accord? Voilà. Alors vous comprenez effectivement que vous, chacun, pour avant de s'engager dans le mariage, vous devez entrer dans la volonté parfaite de Dieu pour éviter tous ces scénarios. Pour éviter tous ces scénarios. Des questions? Si vous voyez que dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, quand le Seigneur donne l'inspiration par rapport aux veuves, il dit pour une veuve, pour être inscrite dans le rôle, n'est pas moins de quoi, 60 ans. Qu'elle ait été mariée d'une seule femme. Pour les jeunes veuves, demandez de se marier parce qu'avec quand la volonté les détache de Christ, elle veut encore se marier. Elle se rend coupable de leur premier vol. Pourquoi? Parce qu'une femme dit que tu es belle et le lendemain passe devant le miroir chaque fois que merde, donc il passe encore le marché. Bon, ne faites pas parler des choses des femmes là maintenant. Donc, posez des questions. Ici, il n'y a pas de questions. On voit ce soir. Merci, Père. C'est un peu voir un sujet. Oui, mon cher. Et dans le livre de Daniel, chapitre 9, J'ai d'abord que je ne vis pas les livres qui devaient s'écouler. 70 ans, selon ce qu'on dit. Les livres, bon, on sait explicitement que c'est le livre de Jérémie, mais en dehors de ces livres-là, bon, on appelle ça le livre. Mm-hmm. On a pas dit les livres, je ne sais pas si en dehors de Jérémie, encore d'autres qui parlent de. Qui a parlé de 70 ans de captivité? Mais ici là lui, c'est là lui, Isaïe n'a pas vu. Après il a lu Jérémie, ça fait combien de livres qu'il a lu, frère? Ça fait combien? Ça fait deux, c'est le pluriel, non? Oui. Ça continue des questions encore. Vous savez qu'au ciel il y a les magasins pour les livres comme ça, les comptoirs pour le prophète. C'est ça, on donne au prophète là-bas que regarde ton livre. Voici ça. Va parler. Vous savez ça, frère? Bon, c'est bon. De toute façon, posez vos questions. Dans la Bible, c'est qui un homme spirituel? Ou bien, comment devenir. C'est d'abord quoi un homme spirituel? Bonne question. Deuxième question. Comment faire pour le parler? Où est-ce que c'est écrit? On parle de l'homme spirituel déjà. Non, c'est à lui, c'est à lui. Oui. Qu'est-ce que tu as lu là-bas? On a dit là-bas que. Il dit là-bas que j'ai encore beaucoup de choses. Que j'ai encore des choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas les comprendre parce que vous êtes encore charnel. Après, il dit que, en fait, parce qu'ils ne sont pas spirituels. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il reprochait à ceux-ci? Il dit comment, pourquoi ils sont charnels? Parce que parmi vous, il y a encore de la jalousie. Donc, ça, ce sont les manifestations de la chair. A contrario, comment savoir que quelqu'un ne marche pas selon la chair et selon l'esprit donc? Donc ça veut dire que l'action pour annihiler les choses de la chair, c'est de marcher selon l'esprit. Et donc les gens qui sont spirituels sont les gens qui sont conduits par le Saint-Esprit. D'accord, frère? Qui voit au-delà du rideau, du voile de la chair. La suite, il y a une suite de la question. Un Jean chapitre 4 verset 13 résout le problème. C'est comme ça qu'il faut y parvenir. 1 Jean chapitre 4 verset 13. C'est pas ça, frère? Il dit 1 Jean chapitre 4 verset 13. Qu'est-ce que ça dit là? Ça dit que nous savons que nous sommes en Christ par le Saint-Esprit qui nous va donner. Donc, comment tu peux être dans l'esprit sans avoir l'esprit? C'est possible. Et c'est possible. Hein, frère? Non, frère? Comment tu me regardes encore comme ça là? Tu commences à devenir, c'est comme ça devient. Des questions? Ouais, j'ai une autre question. Oui. Dans Genèse chapitre 3, le verset 20 dit que Ève est la mère de toute l'humanité. Oui. Bon, j'ai aussi lu dans Actes chapitre 7. Oui. Que d'un seul sang. Oui. Que d'un seul sang, c'est sorti d'un seul sang. Parlant d'Adam. Oui. Bon, je veux savoir, c'est là. Où est-ce qu'on a parlé? Où vous ces actes là? Depuis au moins 4 ans, il attend que quelqu'un pose une question autour de ces questions-ci. Merci d'avoir abordé ça maintenant. Depuis au moins 4 ans, il attend cette question-ci. Vous savez, dans ce livre de Actes d'Apôtre, lorsque l'apôtre Paul a parlé à l'aéropage, il dit que Dieu, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, n'est pas point servi par les mains d'hommes. L'un homme n'est pas servi par une main humaine. Il dit qu'il a voulu que les hommes sortent d'un seul sang. N'est-ce pas, frère? Où est-ce qu'on a parlé d'Adam? Je lis encore, c'est ici. Lis. Le Dieu qui a fait le monde, oui, et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Oui. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Oui. Habite sur toute la surface de la terre. Stop. Ayant déterminé la durée et les bornes de chacun, n'est-ce pas? Regarde-moi dans les yeux. Où est-ce qu'on a parlé d'Adam là-dedans? Quand tu as fini de répondre, j'avance. Parce qu'il veut vous donner, prendre un verset qui parle de cette chose-ci là maintenant. Je comprends que tous les hommes sont sortis d'une personne, particulièrement la première personne. La première personne, c'est-à-dire Adam ou Ève. C'est l'homme qui porte la semence. Allons-y maintenant. Romains. Vous êtes prêts? Ok. C'est avec Brice que je suis maintenant. On va lire. Et nous allons voir quelque chose. Je vais lui poser la question. Romains chapitre 3. Ou bien, allons au chapitre 5 directement, parce qu'il voulait aller commencer à marcher. Allons au chapitre 5. Nous allons lire. Je vais toute votre attention maintenant. On y va. Maintenant. Verset 12. Je vais lire et je vais te regarder. Tu vas me regarder. On va causer, d'accord? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, depuis son insisté sur un seul, n'est-ce pas? D'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, verset conclusion, regardez. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. Tu es prêt? Dans le jardin, qui a péché? Elle. On parle de qui ici? Adam. Donc, c'est de Ève dont on parle ici? Non, c'est pas de Ève. Pourquoi on dit que c'est Adam qui a péché? On dit que c'est lui, l'un seul qui a péché. On n'a pas parlé de deux personnes qui ont péché. On dit que c'est Adam qui a péché. Parce que Ève était sous son autorité. Donc, ça veut dire que ça fait du temps que c'est Ève n'a pas péché. Puisque c'est de, on parle de qui ici? On parle de Adam, pas vrai? On l'a cité ici. On n'a même pas fait mention de Ève ici. Pas vrai? Tu es prêt? 1 Timothée. Vous avez suivi sa réponse. Il a dit que c'est Adam, non? Voilà, 1 Timothée. Vous avez dit, c'est déjà des choses là, il faut examiner cela. On prend 4, 5 pour pouvoir examiner ça. C'est comment ça vous a commencé à dire qu'il faut se l'heure de boire la bouille. Ah. 1 Timothée chapitre 2, on y va. Regardez. Les versets des femmes là. Regardez verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'éparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles s'éparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car, lis la suite. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Oui. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Oui. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Pardon, frère. Que c'est la femme qui a écrit? C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Il te pose la question, pourquoi le Saint-Esprit ne la mentionne pas dans Romains chapitre 5? Qui a écrit 1 Timothée là? Qui a écrit Romains? C'est pour ça qu'il vous dit, si quelqu'un ne vous a pas envoyé, que va parler ma parole. Arrêtez. Alors ici on dit donc que c'est la femme qui séduit, c'est rendue coupable de transgression. Mais nulle part dans l'œuvre de Romains où on en a parlé de l'effet du péché sur l'humanité, on ne l'introduit. Donc en réalité la femme n'a pas péché. N'est-ce pas frère? N'est-ce pas frère? N'est-ce pas frère? Non, la femme a péché, frère. Mais dans Romains, on dit que comme par un seul, le péché est entré dans le monde. On n'a pas dit par deux. Un seul, qui est-ce qu'on parle dans Romains? Adam. Dans 1 Timothée, on parle de qui? Ève. Qui a fait entrer le péché dans le monde? Ève. Donc c'est d'elle qu'on parle dans Romains. Vous devez lire la Bible. Alors, dans Actes chapitre 17, il est dit que le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est pas servi par les mains d'homme comme s'il avait quoi que ce soit. Lui qui produit, envoyé, il a dispensé la pluie, ainsi de suite. Il dit qu'il a voulu que les hommes sortent d'un seul sang. Alors de quel sang il en a parlé? Des épilogues ont été écrits sur sa bande dessinée en parlant des textes reçus, texte A, texte C, texte C, c'est pas cela. Vous devez comprendre ce que Dieu en a dit. Maintenant, il dit, ayant fixé les demeures et les bords de chacun. N'est-ce pas, frère? Amen. Puis il dit, maintenant que c'est ce qu'on dit, quelques-uns des autres, de lui, nous avons quoi? Nous sommes de la race. Tout le monde est de la race de Dieu? Non. Fais attention. Qu'est-ce que l'apôtre Paul devait faire? Et qu'est-ce qu'on devait dire? C'est là où vous pouvez. Oui, mon cher. Il parle sorti d'un seul sang. Que là-bas, en fait, il parle de la postérité. Que Dieu avait postérité d'Abraham. Les gens qui sont issus de Satan sont à l'image de Dieu. Ils sont à l'image de Dieu. Non. Regarde-moi bien dans les yeux, frère Brice. Tous les êtres humains qui sont sur la terre sont à l'image de Dieu. Non. Non, frère. Comment tu dis non, frère? Ils ont l'esprit à quel esprit, frère? Comme pour Judas. Hein? Donc l'esprit de Judas, c'est l'esprit de Dieu, quoi. Que Dieu vous bénisse vraiment. Donc faites attention. Faites attention. Mais là, maintenant, ok, prenez, si vous prenez dans cette parole-là, de ce que l'apôtre Paul a écrit là-bas, en comprenant qu'on a dit que c'est de Adam que tout le monde est venu, et que Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, dans cette parabole-là, lorsqu'il a expliqué la parabole de l'ivraie des champs, et on lui a posé la question, mais n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ? Il a semé la bonne semence. D'où vient-il qu'il y ait de l'ivraie? Il dit que c'est un ennemi qui l'a semé, donc l'ivraie ne vient pas de lui. On ne peut pas dire ça, on dit qu'il y a deux semences qui ont été semées dès le départ. D'accord, frère? Voilà. Des questions? Il dit, attendez la question, c'est même pas encore développé, c'est même juste aller en surface. Parce que pour y aller, il faut que je vais depuis la Genèse, je touche le livre des Chroniques, en descendant le livre des Rois pour que vous voyez des choses. Donc, vous voyez que si vous ne connaissez pas ces choses, lisez Jean chapitre 3, verset 16. Que Dieu a tant aimé le monde. Et puis là, vous arrivez à ce niveau-là, vous commencez à regarder encore, mais c'est qu'il y a des mondes encore qui est question, alors que Dieu lui-même dit qu'on n'aime pas le monde. Vous commencez à voir qu'il y a des problèmes. N'aimez point le haut, ni les choses qui sont dans le haut. Mais lui, il a quand même tant aimé. Vous avez des problèmes, je vous dis. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Vous voyez, c'est le que tout le monde connaît. Mais il a interdit que tu aimes quoi? Mais lui, il aime. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la même chose qu'on a parlé, n'est-ce pas, frère? Posez des questions. J'ai une question. Plusieurs questions dans Ézéchiel 16. Il dit que tu lis ici, tu poses des questions, frère. J'ai un souvenir avant ton arrivée. Je l'aime fait depuis la maison. C'est la question que j'avais depuis. Pose-toi la question. Je lis. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, n'est-ce pas? Nous sommes à la page. Il y a des trucs, il ne veut même pas que tu lis ça. Personne ne veut ouvrir. Actuellement, il dit que tu fatigues. Ils disent, lise, on va entendre, on sait que c'est dans la Bible. D'autres ont cherché dans le Nouveau Testament. Vous voyez que le Seigneur nous a donné un bon climat, je vous parle, n'est-ce pas? Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père est un Amoréen et ta mère une Éthienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Amen. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baignant dans ton sang. Et je dis, vis dans ton sang. je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 000 000, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurais fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel. Continue frère. Dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Vous voyez le jour du mariage de Dieu, non? Il y avait un mec qui a signé son acte de naissance, un acte de mariage. Oui, pose ta question, mon cher. Si tu ne poses pas la question que tu en vois là-bas, il ne répond pas à la réponse. Bon, ce n'était pas lié au mariage. Ma question est liée. Elle est liée à certains thèmes que je lis au verset 4 et 8. Oui. Le Seigneur dit au verset 4, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton ombre n'a pas été coupé. Oui. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Oui. De quelle eau s'agit-il? Oui. À quel moment ça intervient dans l'eau, dans la vie d'Israël? Non, ça veut dire que là, on est allé vite en besoin. Mm-hmm. Ça veut dire que ta question au niveau de l'eau, ici, si, mais revenons d'abord. Il parle de qui? Il parle d'Israël. D'Israël, ça veut dire que ça ne peut pas être une eau qu'on lave. Mm-hmm. Ça veut dire que cette eau-là, comme la femme ou bien l'enfant qui en a parlé ici, c'est un pays. Le lavement, c'est autre chose. Mm-hmm. Le nombril, c'est autre chose. Oui. Le sang, là, c'est autre chose. La nudité, là, c'est autre chose. L'alliance, là, c'est autre chose. Les musulmans n'aiment pas ce passage ici. Ici, le chapitre 16 d'Ézéchiel, le chapitre 23, où il a parlé que tu as livré tes seins à tes amants. Tu t'es livré là-bas, comme tu as tourné tes fesses là-bas. Les musulmans n'aiment pas ça. Il dit que le Dieu Tout-Puissant qui est saint, là, dit les choses comme ça. Oui, il dit. Ton problème, c'est quoi, mon cher? J'ai posé la question au niveau de la purification, là, c'est intervient à quel moment? Mm-hmm. Et tu n'as pas été purifié. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Qui l'a jeté d'abord pour qu'il soit là-bas? Pourquoi l'a abandonné? Quand tu en es de lit, tu vois effectivement quelqu'un qui a abandonné dans le désert. Comme un enfant qu'on a accouché comme ça, vraiment, on a lancé avec le cordon directement. La femme a sorti avec le placenta, lancé là-bas. De quoi est-ce que le Seigneur est en train de parler? Parce que quand il y a au verset 3, je sais que le Seigneur a appelé. Abraham, il commençons, commençons de sa naissance. Mm-hmm. Il a donné clairement l'origine des il s'ouvre vraiment. Mm-hmm. Le Het, Terra était de quelle population? Chaldéen. Elle était chaldéen, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et sa maman? Toujours de là. Une Étienne. Mm-hmm. Bon, là, je pose la question. Pose ta question, mon frère. J'aimerais savoir justement à quel moment. Il dit à ta naissance. Voilà. C'est à quel moment? Quelle est la naissance? Là, ça renvoie à quelle période? Quand Abraham était encore là ou bien quand il était sorti d'où en Galilée? Est-ce que c'est Abraham qui est appelé par Israël? Hein, frère? Pas ton origine et ta naissance. Mm-hmm. Il y a l'origine lointaine. Il y a l'origine proche, n'est-ce pas, frère? Il y a l'origine lointaine. Depuis là-bas, à Outz, en Calvi, ça c'est l'appel. Et quand il est appelé, il n'a pas appelé toute la délégation. D'accord, frère? Voilà. Voilà, voici les grands sujets de la Bible. Avec ça, vous prenez le développement, vous allez doucement, vous allez voir vraiment, vous allez chérir votre Bible, vous souhaiterez que la Bible soit dans votre cœur. Vous voulez qu'il parle encore de Jérusalem, là et là. Bon, des questions, posez-moi des questions. Dans ton sang. Mm-hmm. Si tu connais son origine, tu vas savoir le sang là où il est question. Oui, mon frère. Où ça? Donc, tu vois comme il a pris comme ça, tu voulais bombarder avec des questions là-dedans. J'ai fait un rapprochement. Parce que dans Jean 15, on parle de déjà vêtu à cause de la parole. Je ne sais pas si c'est dans ce sang là que c'est lavé si en toi. D'abord, sa naissance c'était quand? La personne dont tu as parlé là qui est tombée dans son sang. Des questions? Avez-vous des questions? Je n'ai pas de questions. Oui, mon cher Brice. Une question dans Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9, le verset 10 et 11. Vous voyez, passer du temps dans les Saintes Écritures, c'est passionnant ce qui est écrit dans la Bible. C'est une pierre d'achoppement pour les autres. Mais des rayons de miel de restauration pour d'autres. Oui, mon cher. Nombre chapitre 9, versets 10 et 11. Le Seigneur dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque de l'Éternel. Il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront. Et le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Oui, quelle est la question? Dans le livre des Exodes, il fallait célébrer la Pâque. Le 14e jour du premier mois. Oui. Donc, je voulais savoir, pour ceux qui étaient impurs, oui. Le second mois, ils devaient célébrer ça. C'est ceux qui étaient impurs ou bien c'est toute l'assemblée. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Que c'est le relief, frère. Oui, frère. Oui. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur, oui. À cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, oui. Il célébrera. Il est comment? C'est au singulier. Comment tu mets au singulier? En bas maintenant, oui. Frère, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Oui. Verset 11. Oui. C'est au second mois qu'il, là, on savait est-ce. Cette personne dont on a désigné là-bas, la personne qui est en voyage, la personne qui est impur pour un mort. Tu cherches quoi donc, mon frère? Donc, ça veut être... On a parlé de cas de quelqu'un qui est en voyage. Il ne peut pas être à Jérusalem à ce moment-là. Il y a d'autres personnes qui sont impures pour un mort. C'est les deux personnes dont on a deux groupes de personnes dont nous parler. Mais il va célébrer ça seul dans sa maison. Mais on, il célébrait avec quoi? C'était maison après maison, non? Ah ouais, frère. C'est pas ça, hein? Ah, des questions? Oui, Jean, combien maintenant? Ok. Y a-t-il des questions? Laissez la tête donc prier. Tendre Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce, pour ta bienveillance, pour tout ce que tu as voulu que nous sachions aujourd'hui. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Que toi, si tu continues à nous conduire, à conduire nos cœurs dans ta volonté parfaite. Et révèle-nous tes volontés. Partout où il y a de l'ombre, Père, je prie que tu enlèves le voile afin que nous voyons la voix, la clarté de ce que tu as prévu pour nous. Que nous marchions d'après cette lumière, la parole que tu as donnée. Seigneur, tu l'as voilée pour les uns et tu l'as révélée pour les autres. Daigne, ô Dieu de gloire, souffler dans notre intelligence afin que nous comprenions les Écritures comme tu l'as fait aux disciples. Que ton esprit nous guide et nous conduise tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.